La terre s'est vendue de son plein gré aux marchands de pacotille. Et les trous béants percent nos chutes. Calmement, j'ai coupé mes oreilles. J'ai trompé la nuit avec le jour au sillon des talons détournés. Tu souris dans un coin de bouche sur le bord de la route. Les couleurs t'habillent et laissent mourir des traits qui s'effacent. J'ai suivi le printemps comme un orage naissant. Dans des chausses vagabondes. Oh, God.